Merci vraiment et Emilien Ruiz et Mathilde Icard d'abord d'avoir trouvé intéressant de m'inviter, bon, ça, c'est vous qui le direz, mais surtout de consacrer un séminaire à la fonction publique, ce qui n'est quand même pas si fréquent que ça. Alors, bon, la séance est intitulée « Le mérite et le concours ». Alors, moi j'ai fait comme Corinne, j'ai pris mon dictionnaire, mais du coup je me suis accordé le plaisir du dictionnaire papier. Et donc le grand Robert de la langue française. Alors j'ai commencé par la définition du mérite, et donc je retiens que deux acceptions pour chacun des deux termes, parce qu'autrement il y en a plein. C'est d'abord en fait la première définition, elle est d'ordre moral, et c'est ce qui rend une personne effectivement digne d'estime, de louange ou de récompense. Et puis après il y a un peu plus loin le lien avec le champ du scolaire ou des études, en tout cas, et là on retrouve des qualités intellectuelles ou morales, mais très estimables. Donc, bon. Puis après, il y a le verbe qui élargit là un peu, du coup, le spectre lexical. C'est avoir légitimement droit à une récompense. Et donc là, on voit déjà, ou à l'inverse, être aussi légitimement passible d'un châtiment ou d'une sanction. Et donc, déjà là, on se dit, donc le mérite, c'est quelque chose qui est difficilement contestable. C'est quelque chose comme ça qu'on nous oppose. Mais en même temps, reste la question de comment on mesure, finalement. On ne peut pas le contester, mais on ne sait pas trop le mesurer. Et ce qui nous amène au concours, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, c'en est une, et qui, là où on trouve deux définitions qui peuvent sembler un peu contradictoires même, c'est à la fois se mettre sur les rangs, entrer en concurrence avec d'autres pour obtenir un prix, une place, ce qui nous intéresse, mais c'est aussi l'action de tendre ensemble vers un même but, c'est-à-dire qu'on concourt à quelque chose, on prête son concours à, et ce qui nous renvoie un peu à la notion de collaboration, de coopération, et tantôt une concurrence. Et finalement, c'est aussi deux méthodes qui permettent d'atteindre un seul et même but. On retrouve la question de l'objectif, on retrouve aussi déjà un peu la question du travail, mais finalement, dans les concours revisités, on trouve aussi cette évolution-là, hein, avec l'instauration d'épreuves plus collectives. Alors, pour en rester au concours dans la fonction publique, ce qui est quand même le champ de réflexion qui nous intéresse, il faut voir comment il est arrivé, et là, il y a 1789, au passage, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et son fameux article 6, que je cite partiellement, c'est que tous les citoyens étant égaux à ses yeux, aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc on voit bien qu'il fallait résoudre la question de l'égalité d'accès en imposant des recrutements capacitaires, c'est ce qu'on appelle la méritocratie républicaine. Hein, donc, dès cet instant, le concours va effectivement émerger comme une solution à privilégier. Je vous passe l'histoire du statut, tout ça, mais quand même, encore aujourd'hui, le statut en vigueur dans le Code général de la fonction publique, qui reprend, alors le statut est évolutif, les lois de 83, 84, 86 et la bonne trentaine de lois qui sont venues le modifier et qui continuent de le faire, la dernière en date de 2019, stipule que les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation, Corinne l'a mentionné. Et quelques lignes plus loin, on arrive aux dérogations, que ce soit sur les différentes modalités de recrutement, les épreuves, mais aussi les dérogations possibles aux diplômes et aux titres requis. Et je le dis et je l'assume, heureusement, ces dérogations sont possibles, pas forcément celles qui permettent le recours au contrat, quoique elles permettent, par exemple, le recrutement des personnes en situation de handicap se fait par la voie contractuelle. C'est une des dérogations au concours. C'est pas que de la concurrence déloyale. Hein. Le recours au contrat, il permet aussi aux services publics et à la fonction publique d'assurer un minimum d'équité. Alors, on a un lien étroit, du coup, qui est établi par le mérite entre le système scolaire, un dispositif de recrutement, et puis, au-delà, la carrière, le parcours professionnel. Ça fait partie d'une littérature abondante, hein. Je reviens pas, vous avez cité Annabelle Allouche un certain nombre d'ouvrages, mais il y a des monographies, enfin moi, quelques-unes qui sont aussi intéressantes, parce que parfois elles s'attachent à une école, voire une promo, comme j'avais bien aimé l'ouvrage d'Hervé Joly qui est consacré à la promotion X 1901, voilà, et qui est passionnant parce qu'effectivement tout cela, enfin, il y en a beaucoup qui vont finir en 14, hein, dans les tranchées. Donc, voilà. Donc, et puis après, il y a d'autres champs de recherche, hein, que ce soit sociologique, politique, philosophique, économique, et donc, voilà, on a tout un champ. Effectivement, vous avez cité Bourdieu. Mais je cite aussi Rosan Ballon, par atavisme, voilà, quand on est à la CFDT, voilà. On a tout ce champ, il y a le mérite, l'accès à l'emploi public, et puis l'accès à l'emploi public supérieur, et effectivement ce lien avec le politique, et tout ça a rapidement engendré une critique sociale justifiée. Je reviens pas sur tout ce que vous avez pu dire, mais la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette critique ? Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'organisation syndicale, et donc, je précise, ça a été dit, hein, je parle bien en tant que secrétaire général de la fonction publique, tout ce que je dis n'engage pas forcément mon organisation, mais quand même, c'est de là que je parle, et comme toutes les autres organisations syndicales, je le dis, on défend et on représente les intérêts matériels et moraux de nos mandants, mais on porte aussi nos valeurs, CFDT, qui guident nos actions et nos revendications, et donc aussi un peu nos réflexions, que ce soit en matière d'émancipation individuelle et collective, et c'est reconnaître à chacun la capacité à se prendre en charge et à agir ensemble. Donc on voit qu'il y a aussi des liens avec ce qu'on fait, comment on sélectionne et comment on travaille. Et pourquoi on le fait ? Parce que certes, il faut apprendre aux jeunes comment fonctionne l'hôpital, mais il faut aussi ne pas oublier, quand on travaille à l'hôpital ou dans n'importe quel autre service public, pourquoi on est là. Et le public qu'on dessert, ses attentes, et comment on y répond. Enfin, il ne faut pas toujours que demander aux usagers d'intégrer nos contraintes, mais il faut aussi comprendre les contraintes de nos usagers. des valeurs de solidarité, d'égalité, donc de toutes les formes d'exclusion, lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, et enfin de démocratie. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire des derniers mois ou des dernières semaines, mais enfin, on voit que cette actualité a au moins permis de mettre en lumière un engagement fort qui est le nôtre en matière de justice sociale, d'où, finalement, tout ça nous amène à notre travail d'interrogation, entre autres sujets, des processus de recrutement dans la fonction publique. Alors, je le dis, quand je parle de processus de recrutement, c'est qu'il faudrait aussi considérer le concours pour ce qu'il devrait être. C'est peut-être, c'est en tout cas ce qu'il devient, peut-être. Je trouve que l'intervention de Corinne était éclairante à ça. C'est quand même un processus de recrutement qui doit évoluer et rester adapté à toutes les contraintes et exigences qu'on a été plusieurs à citer. Donc, considérer ce concours, du coup, comme une modalité de recrutement, ça implique effectivement un travail de critique, parfois difficile à accepter par les recruteurs, qui sont des cadres publics, qui sont eux-mêmes recrutés par concours, après être passés par les écoles. Enfin, voilà, hein, donc c'est pas le serpent qui se mord la queue, mais il y a quand même cet entre-soi qui peut être un peu un biais, pour parler. c'est un nœud, voilà. Alors, ceci dit, la fonction publique est aussi capable de porter des critiques qui font évoluer les choses. On en parlait tout à l'heure entre deux interventions. Cette réflexion et ce travail, il a été y compris commandé par la fonction publique à Yannick Lorty, qui a produit deux rapports, en tout cas il y en a deux qui ont déjà été publiés, sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public, et je pense surtout à son premier rapport, celui de 2016, qui donnait des éléments d'objectivation de la question effectivement très complexe des discriminations. Son rapport, il permet, enfin moi je trouve, hein, il a permis de sortir un peu des idées reçues et des stéréotypes en nous interpellant sur plusieurs enjeux. Bon, le constat, il est connu, sans appel, mais il reste, on l'a vu, sans solution satisfaisante, c'est que l'école, elle reproduit les inégalités sociales et la fonction publique, elle reproduit les inégalités scolaires. Donc à chaque fois, ça s'amplifie. J'ai envie de dire, à notre niveau d'intervention et de compétence en tant qu'organisation syndicale, c'est comment on essaye de faire changer les choses. En tout cas, nous, on est sur cette volonté de faire changer les choses. On n'est pas dans une défense de l'existant comme une espèce d'horizon indépassable, tout ça parce que ça serait le statut à Nice et le Porse, etc. Donc, nous, on partage le constat qu'aucun mode de fonctionnement n'évite les discriminations, qu'il convient de s'atteler à la tâche de les rendre plus équitables et plus justes en acceptant de travailler sans penser trouver de solutions simples, uniques, voilà. Et que les inégalités constatées dans les recrutements, elles sont le symptôme de discriminations multiples et étroitement liées. Il y en a qui ont été citées, des discriminations territoriales, sociales, scolaires, familiales. On voit bien, hein, entre une femme en situation de monoparentalité, un homme qui dispose d'un soutien familial, comme ça s'appelle, en fait il a une femme qui ne travaille pas et qui s'occupe des enfants, mais généralement c'est ça. Voilà, on voit... Il y en a de moins en moins, mais c'est... comment elle s'appelle, Sophie, qui a travaillé sur l'égalité professionnelle et Pochic. Sophie Pochic, voilà, qui parle de soutien familial, c'est le terme. Voilà. Alors, ce rapport, il permet de partager ça. Les différents systèmes de recrutement présentent tous certains... garde-fous, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais ils présentent tous aussi des failles. Il en sort quand même que le concours, il est discriminant, que ça plaise ou non, le concours est discriminant, mais il reste aujourd'hui la moins discriminante des modalités de recrutement. Voilà, donc, est-ce qu'on peut s'en contenter ? Pour nous, la réponse est non. Voilà. Et donc, on souhaite... que la diversification des recrutements soit maintenue, y compris, par exemple, avec un renforcement des places offertes au fameux concours Troisième Voie, qui sont un vecteur de diversification des profils. Alors, ce troisième concours, il a connu quand même des fortunes diverses. Hein, on parlait de la promotion Solidarité, je crois qu'il était fort débattu à l'époque. En tout cas, c'était avant le statut de 83. Et à l'époque, dans un débat parlementaire, c'est cité par Paul Pasquali dans son dernier ouvrage, il rapporte les propos d'Anice et Le Porse. Pour lutter contre les inégalités, il faut être inégalitaire. Un concours dans une société inégalitaire est injuste. Donc, alors c'est drôle d'avoir cette citation-là quand on sait ce qu'on fait dire aujourd'hui ou ce que certaines organisations font dire à Anice et Le Porse. Et donc ce troisième concours, il est instauré à l'ENA. Il n'aura existé que 3 ans, en fait, avant d'être supprimé, puis d'être réinstauré, mais en réduisant, en fait, le champ des candidats possibles. Voilà. Donc on a réduit le socle de... d'ouverture, en fait. Ça a été mentionné dans les voies d'amélioration. Il y a la question de l'information sur les concours. Il y a des progrès, C'est une bataille, mais alors incessante, hein. C'est une bataille qui n'est pas finie. Le portail unique est contesté même par certains employeurs qui ne veulent pas publier sur le portail. Je passe sur les discours de certains ministères qui s'autoproclament le haut de la pyramide. C'est le ministère des Affaires étrangères. Publier des postes reste une bataille. Je ne vous parle même pas de la transparence sur les rémunérations. Même s'il y a des efforts qui sont faits pour harmoniser et qui sont réels. Hein, la formation des jurys, elle doit être maintenue, développée, elle l'a été, maintenue. Mais je pense aussi régulièrement réinterroger. Il faut tenir compte des apports de la recherche. La nature des épreuves. Alors, en finir avec l'académisme, ça avance. Mais il reste tout ce qui n'est pas académique, la maîtrise des codes. On a souvent pensé que l'oral, c'était moins discriminant que l'écrit, mais ça reste hyper sélectif, c'est hyper discriminant. On voit bien que quand il y a le passage de l'admissibilité, c'est une chose, mais alors l'oral derrière, c'est terrible. Hein. Je pense qu'il faut réussir à engager un travail sur définir autrement les exigences, en fait. Hein. On rejoint, nous, un certain nombre de propositions qui voudraient qu'on recrute davantage en fonction des aptitudes. C'est drôle parce que, Corinne, tu l'as dit dans la fin de ton intervention, je ne sais plus la phrase, mais c'était des aptitudes pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, c'est un recrutement qui est tourné vraiment vers le futur, vers le travail qu'on aura à faire, vers le parcours qu'on pourra avoir. Et ça rejoint la question de la diversification des parcours, des mobilités. Et aujourd'hui, les compétences, en fait, c'est ce qu'on a déjà acquis. C'est un recrutement qui est tourné, encore une fois, vers notre passé, ou passif, des fois certains disent, scolaire. Je dis tout ça et on n'a pas des solutions, on construit en marchant. Il faut quand même maintenir cette évaluation scientifique, en fait, très régulière des recrutements. Il faut qu'on se donne les moyens de continuer d'en mesurer les effets à chaque fois des évolutions. C'est pas... Il n'y a rien de magique, il faut continuer à œuvrer aux changements, aux modulations à apporter. Je ne résiste pas au plaisir de citer Marc Bloch, et c'était en juin 1944 qui disait ça, c'est à propos des examens dans les classes secondaires à l'époque, qu'il rêvait comme des tests d'intelligence plutôt qu'une épreuve de connaissance ou de perroquetage. Et pour certains concours, je pense que ces propos restent tout à fait valables. Je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui pour la fonction publique qui doit devenir vraiment le reflet de la diversité de notre société. C'est un enjeu qu'on entend, qui est dit, qui est parfois annoncé, mais ça doit... constituer un vrai objectif, pas que politique, hein, un vrai objectif social, j'ai la conviction, c'est aussi une partie de la réponse à la crise démocratique qu'on traverse, que ça plaise ou non. Je suis convaincue qu'on est dans une période de crise démocratique et on le voit à travers l'émergence du populisme qui est même arrivé au pouvoir dans de nombreux pays, etc. Et je crois que en tout cas, d'avoir une fonction publique qui reflète cette diversité sociale, c'est un des enjeux. Voilà, j'ai fait aussi court et rapide que possible, peut-être un peu indigeste, mais place au débat. Merci.